Vous savez pour moi rien que l'amour, n'est-ce pas? Quatre stations. Vous savez pour moi rien que l'amour, n'est-ce pas? En quelques mots, Pablo aura eu son tableau. Voilà l'étoile ou le général Picasso. 365 jours et 6 heures, 4 saisons, voilà la terre de toutes les couleurs. J'ai dessiné le temps qui m'a pris d'assaut. El General Picasso. Et je me balade avec ma muse dans les rues de Malaga. Hein? El General Picasso. J'irai sculpter l'étoile d'ici à là-bas. El General Picasso. Hier je bâtissais mon heure, je ne serai qu'un apprenti à l'aube. Je baptiserai mon œuvre dans l'église de Santiago. Fidèle à moi-même, ce n'est pas pour mentir à d'autres. J'ai dessiné le temps qui m'a pris d'assaut. Je continue le combat et je ne suis pas le seul homme. J'aiguise ma plume dans l'école des beaux-arts de Barcelone. Voilà l'artiste et le peuple se passe le mot. Les étoiles pleuvent sur mes tonnes de toiles qui valent de l'or. Faut des idées, de la finesse et les deux font la paire. La nature morte a mordu la colombe de la paix. Votre monde est gris, je peux pas le voir en peinture. J'ai tiré un trait dessus même si regarde moins sûr. De la Côte d'Azur jusqu'au vieux port de Mars. Du ciel je monte la gare de Notre-Dame. Je plane entre les Bouches du Rhône et les Hautes-Alpes. La vie de château de Pablo Picasso à Vauvenargues. 365 jours et 6 heures, 4 saisons, voilà la terre de toutes les couleurs. J'ai dessiné le temps qui m'a pris d'assaut. El General Picasso. Et je me balade avec ma muse dans les rues de Malaga. Hein? El General Picasso. J'irai sculpter l'étoile d'ici à là-bas. El General Picasso. Mais hier soir c'était fantastique, je vous regardais au milieu de cette salle immense, vous étiez petit, presque perdu même au milieu de cette foule. Oui. Est-ce que vous avez été quand même impressionné J'étais impressionné, en tout cas très touché de cette espèce de sympathie, amour ou je sais pas, ou amitié que tant de gens me portent. Vous savez pour moi rien que l'amour, n'est-ce pas? Hier je bâtissais mon heure, je ne serai qu'un apprenti à l'aube. L'exalchimiste dans l'église de Santiago. Fidèle à moi-même, ce n'est pas pour mentir à d'autres. Que serait l'homme sans l'âme et que serait l'art sans Picasso? Je renaîtrai tous les 25 octobre, hein? De mon pinceau à vos simples photos. J'ai développé la joie de vivre à travers mes propos. 1946 dans toutes les métropoles. La mort est à coup de foudre, on ne sait jamais quand ça nous frappe. En attendant, je contemple les plaines de l'Andalousia. Quand ces parias passent leur temps à causer de la déco, je parle à la mer sur la playa de la Costa del Sol. Malaga, allô Momo, c'est moi. Je vais prendre le bateau et je te rappelle d'Alosema. Toujours les mêmes et on recommence, on mélange les couleurs. Avec une toile de métissa au fond des écouteurs. 365 jours et 6 heures, 4 saisons, voilà la terre de toutes les couleurs. J'ai dessiné le temps qui m'a pris d'assaut. El General Picasso. Et je me balade avec ma muse dans les rues de Malaga. Hein? El General Picasso. J'irai sculpter l'étoile d'ici à là-bas. El General Picasso. Je n'oublie pas que tout ce qui brille est naturel. Je n'oublie pas que tout ce qui brille est naturel. Je n'oublie pas que tout ce qui brille est naturel. Je n'oublie pas que tout ce qui brille est naturel. Tu vois ce que je veux dire, où je dois faire un dessin, hein? Dans les rues de Malaga, du haut de l'Alcázar. C'est personnel, n'est-ce pas? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même.